Salut Blockbuster, c'est Max. Alors, en préparation de l'émission sur Batman, j'ai bossé un petit peu mon imitation. Attention. I'm Batman! Oui, bonjour Blockbuster, c'est Bruce Wayne. C'était pour vous dire que j'ai adoré l'émission sur Twin Peaks. Allez, bisous! Salut toute l'équipe de Blockbuster. Je viens d'écouter le podcast sur Batman et ça m'a rappelé quand on est allé voir au cinéma avec mon frère, respectivement 7 et 10 ans. Où on s'était trompé de salle, on avait raté le début du film. Et donc, merci de l'avoir raconté, parce que c'était hyper graphique, la description. Et du coup, maintenant, j'ai l'impression de l'avoir vu. Merci beaucoup à nouveau à Blockbuster pour ces deux Batman de Tim Burton, qui sont pour moi, à mon sens, les meilleurs. Bon, Schumacher a un peu tué la licence, selon les propres dires de George Clooney, mais heureusement que Nolan a su relever le défi. Merci pour votre belle émission. Génial, franchement. Oui, non, mais alors Batman, partie de Burton. Moi, il se trouve que j'avais 15 ans au premier et 18 ans au deuxième. Et effectivement, j'ai vu la différence de maturation du projet, je dirais. Et super émission. Et puis alors demain, vous nous mettez les Guns, donc je crois que je vais être un petit peu obligé d'être bloqué chez moi entre 17 et 18, quoi. Voilà. Au revoir. To be or not to be, not to be. Vendredi prochain à 22h40 dans Culture Box sur France 4, il y a mon dernier spectacle qui passe à la télé. C'est très très étrange comme situation parce que c'est le spectacle que je n'ai joué que 4 fois qui aura été vu finalement par le plus de monde. Moi, la seule fois où j'ai la bonne idée de laisser filmer mon spectacle, c'est quand il n'y a personne dans la salle. Ah, on le sent bien, le mec doux en marketing. Hein. Le mec qui dit à Benoît Hamon en 2017 « Oh, t'inquiète pas, ça va bien se passer, je la sens bien cette élection. » Et c'est moi, c'est Bibi. Alors, je sais qu'en général, il y a des humoristes qui voient le verre à moitié plein, d'autres à moitié vide. Moi, souvent, on m'explique qu'on n'a plus assez de verre. Cette année, par exemple, on m'a proposé de faire le festival de Montreux. J'étais super flatté. J'ai demandé ce qu'ils avaient décidé, lequel de mes truculents sketchs les avait convaincus. Ils m'ont dit « Ah, aucun, cette année, on fait un festival spécial, ceux qui l'ont jamais fait. » Bon, j'ai positivé, hein. Je me suis dit « Au moins, je découvrirai la Suisse, il paraît que c'est joli. » Là, ils m'ont répondu « Ah, cette année, avec le Covid, on fait ça à Paris. » Bon, c'est pas grave, au moins ça me fera de belles images télé. Cette année, on fait ça que sur le net. Mais par contre, vous pourrez voir l'intégralité de l'événement sur Facebook Live. c'est gentil. Par contre, je vous ai dit que j'avais été banni de Facebook. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. We're here. Because we're overwhelmed. On est là parce qu'on est submergé. Je suis personnellement submergé par vous les fans et par vos réactions pour notre nomination. Tout autour de ce putain de monde, c'est à vous que je rends honneur. Merci. En 1992, James Cameron filme Arnold Schwarzenegger grimé en cyborg tueur, avançant déterminé dans un couloir un fusil à pompe caché dans une boîte de roses. Clin d'œil au groupe qui compose la bande originale du film Terminator 2, Guns N' Roses. Bien sûr, les amateurs de hard rock connaissent ce groupe depuis bien plus longtemps, notamment grâce au succès phénoménal de l'album Appetite for Destruction sorti en 1987. Pour mieux connaître ce groupe porté par le charismatique et clivant Axl Rose et ce guitariste iconique nommé Slash, j'ai à mes côtés et je suis ravi Émilie Mazoyer, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes journaliste musicale, animatrice de l'émission Musique sur Europe 1. C'est ça, exactement. Et future épouse de Slash, mais il ne le sait pas encore. Oui, mais c'est... profitons de cette émission pour lui annoncer. Tout à fait. Hello darling. Avec nous également Yvan Martin, alias le rocker fêlé sur YouTube. Bonjour. Bonjour. Une chaîne spécialiste en critique rock et très marquée par les Guns. Exactement, oui. Surtout d'Axel. D'ailleurs, futur époux d'Axel. Hein. Aussi. Oui. Décidément, mais c'est un Tinder pour Guns N' Roses cette émission. Hein. Avec nous également Christian Lamy, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes réalisateur et journaliste fondateur de Art Force Magazine et vous allez vous marier avec qui? avec le reste de l'équipe, ce qui restera. D'accord, bon, alors, Dedo, oui. Bonjour. Bah, moi, je choisis Stéphanie Seymour, qui est une ex à Axel, je préfère, d'accord, personnellement. Bien vu. Humoriste et comédien, on attend toujours sur scène en septembre pour votre spectacle Princesse Leia et en tournée avec votre nouveau spectacle de stand-up. En attendant, on vous écoute toujours dans votre podcast Fucked Up Movies. Exactement. Ensemble, on va retracer le parcours des Guns N' Roses, une ascension et une renommée qui s'est finalement faite sur une courte période. Quel est le style et les influences de Guns N' Roses? Comment le groupe s'est constitué? Qui est vraiment Axl Rose? D'où vient-il? Quel est son rapport au business et au groupe? En 2021, où en sont les Guns? Bref, on a une heure pour y répondre. I'm so honored to have met these guys in, je suis très honoré d'avoir rencontré ces gars dans les ruelles derrière le poste de police à Hollywood. On a appris à écrire des chansons ensemble, à créer de la brutalité, de la beauté et à dire la vérité, tout à la fois. On écrivait ces chansons pour nous-mêmes, on n'avait pas de public. On a fait nos premiers concerts et tout d'un coup, des gens sont venus nous voir jouer. Au fur et à mesure, de plus en plus de fans venaient et s'identifiaient à ces chansons. Je ne sais pas s'ils s'identifiaient à nous, mais les chansons leur parlaient. Et je ne sais pas si ça compte de savoir qui est là ou non ce soir, parce que c'est la musique que ce groupe a créée qui compte. C'était un extrait de Paradise City tiré de l'album Appetite for Destruction sorti en 1987. Et là, je vois tout le monde, Dodoline, chante dans le studio, c'est la folie. Et Billy Mazoyer, d'où vient Guns N' Roses? Dites-moi. Alors le groupe, comme dans le petit extrait que vous venez de passer, en fait le petit discours, ils se sont rencontrés à Los Angeles, plutôt dans des quartiers cracra. Ça, c'était un peu des mecs cracra. Parce que en fait c'est vrai que quand on lit les biographies de Guns N' Roses et quand on lit leur début, je vous jure, après on repose le livre, on va se laver les mains. Vraiment, c'est vraiment pas des débuts glamour. Et ils viennent, alors oui, du rock ou de tout seul de la campagne, comme Axl Rose. Slash, lui, c'est plus Los Angeles avec une famille déjà musicale. La maman de Slash a bossé et plus si affinité avec Bowie. J'aime beaucoup le plus si affinité. Tout à fait, c'est une façon élégante de le dire. Le bassiste Duff, lui, il venait du punk. Donc voilà, c'est un assemblage un peu spécial. Sur le papier, ça marche pas forcément bien. Et en vrai, c'est une alchimie incroyable, quoi. Et ça marche tout de suite. Vous entendez, là, vous avez envie de danser. Ah bah, et évidemment. Yvan Martin, Axl Rose, en fait, a eu des, avant même d'être musicien, a eu un départ dans la vie assez chaotique. Il a été à la rue pendant longtemps. Alors, il a surtout eu une enfance, on va dire, assez difficile, puisque abandonné par son père. Ensuite, on va dire qu'il a été touché sexuellement par son beau-père, également par les membres de l'église dans laquelle il devait jouer du piano et chanter, parce que c'était un enfant de cœur. Et on va dire que sa mère est un peu sa seule alliée. C'est pour ça que je regrette un petit peu de vous avoir posé la question. Oui, mais je sais. Ouais, on est sur un sujet sérieux là. Mais oui, ça a été un peu compliqué pour lui, mais il y avait eu sa mère qui était donc sa seule alliée, et il a rencontré également toujours dans l'Indiana, à Lafayette, Easy Stradlin, qui sera donc le guitariste rythmique des Guns jusqu'en 91, et qui restera, on va dire, ouais, presque son meilleur ami en enlevant Slash. D'accord. Oui, Slash avec qui il aura une brouille, mais et une très forte relation. Pléonasme. Oui. Christian Lamay, à quelle occasion avez-vous découvert les Guns N' Roses? Alors, je fais partie de ces privilégiés, parce que là, franchement, c'est du domaine du privilège, qui, en décembre 86, reçoit, je l'ai apporté, c'est tellement radiophonique que j'avais vraiment envie de vous en faire profiter, je reçois un emballage carton avec à l'intérieur un vinyle, parce qu'à l'époque... Vous l'avez apporté, c'est vrai? C'est absolument. Ouais. Mais vous n'étiez pas obligé, vous auriez pu mentir aux gens. Mais c'est vraiment... Que du c'est non, pas parce filmé. Que c'est pour que ça me replonge à ce moment-là. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. On est en décembre 86. Je reçois ça, j'ouvre la pochette est un peu abîmée, le carton a été endommagé, ça vient des États-Unis. Et là, je regarde et je me dis, qu'est-ce que c'est que cette pochette? Encore des sous Motley Crue. Et donc, je pose l'album et je ne le réécouterai pas avant, on va dire, deux bons mois. Et là, à ce moment-là, je suis en train de lancer Hard Force de façon professionnelle dans les kiosques. On était fanzine jusqu'à présent. Et je rejette une oreille là-dessus. Et je me dis, mais c'est pas croyable. Alors, effectivement, il y a deux reprises dessus, dont parlait tout à l'heure Dedo, que c'est vraiment... Bon, bah, c'est des reprises, quoi. Comme mais tout début. Qui parlait tout à l'heure avant l'émission. Avant l'émission, parce que oui. C'est vrai qu'on a discuté. En train de se dire, mais il a pas parlé encore d'Edo. Non, mais j'ai une DeLorean en fait. Christian et Edo parlent, communiquent par télépathie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a appris, ça a cassé le mythe, c'est que cet album qui aujourd'hui est assez prisé des fans, eh ben en fait, est un full live. C'est Duff McKagan qui nous l'a révélé il y a quelques années en nous disant, bah écoutez les gars, nous on avait juste les moyens de se faire quelques sessions studio. On a rajouté du public qui était pris dans la California Jam, on a poussé les potards à fond et on a fait croire que c'était notre live. Mais c'est le début du mythe. Ah, comme moi avec mon spectacle. C'est un peu ça. D'accord, ok. C'est jamais en fait, en présentiel mais, en fait. Mais voilà, ils avaient déjà inventé le télétravail avant l'heure. Donc c'est le début d'une grande carrière. C'est, mais peut-être, putain. Après il te manque le côté capillaire du glam, on va pas se mentir frère. Ah oui, alors là par contre on vraiment pourra rien y faire. Et même s'il poussait, ce serait pas dans ce sens-là. Dedo, quand est-ce que vous avez découvert... J'adore, vous voyez quand bien ça, sûr, vous voyons-nous avec plaisir. Enfin, Dedo, quand est-ce que vous avez découvert les Guns N' Roses? Alors écoute, moi c'était complètement par hasard. C'était en vidéoclub, j'avais loué la dernière cible. J'étais petit, mais je découvre du coup le morceau Welcome to the Jungle chanté par un Jim Carrey débutant qui jouait une espèce de rocker fêlé dans un clip. Oui. Et je suis happé par ce morceau. Et du coup, je me dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je me renseigne un peu. Il faisait peur, hein, Jim Carrey. Dans le film, il est très énervé. Il était un peu caricatural du côté rocker, mais ça, c'est pas grave. Et donc je vais à ma discothèque, comme on appelait ça à l'époque encore, et je me renseigne donc auprès du gars, et il me file Appetite for Destruction que j'écoute. Et je me dis, waouh, je sais pas ce que c'est, je trouve ça assez dingue, je commence à peine à connaître un peu ce qu'est le glam, mais ce qu'il y a de fort avec cet album, c'est que justement, ça vient casser tout ce qu'est le glam à la base, c'est-à-dire que on ne prône plus du tout le côté un peu fête, joie et bonne humeur. Le groupe est vraiment pile dans l'air du temps, c'est-à-dire que ça devient un groupe dangereux. On sent vraiment une espèce d'urgence à vouloir détruire tout ce qui passe dans les paroles et dans la musique. Et c'est ça qui fait la différence à l'époque et qui fait que, grâce à un mouvement sur MTV, au départ l'album met un peu de temps à démarrer, mais une fois que Welcome to the Jungle est balancé un soir très tard sur MTV, malgré tout, le lendemain, le standard explose, tout le monde veut savoir ce que c'est et c'est là que vraiment l'album prend son essor et le groupe dans la foulée. D'accord, donc c'est vraiment Welcome to the Jungle qui... alors là, ce qui serait vraiment bien pensé dans cette émission, ben, c'est qu'on l'écoute. Qu'on écoute Welcome to the Jungle des Guns N' Roses. C'est fou. C'est fou, hein, c'est bien incroyable. Fait. Et j'en profite pour saluer le travail de Céline Hila qui réalise cette émission. Elle a été préparée par Manon Rax, Cyril Marchand et notre stagiaire Robinson Radonac. Et notre stagiaire réalisation Véronique Comeyer, big up. Et aujourd'hui, Guillaume Roux au mixage. Et Henry Barrett à la technique. Come on. Franchement, on aurait pu jouer à N'oubliez pas les paroles. C'était Welcome to the Jungle de Guns N' Roses et issu de l'album Appetite for Destruction sorti en 1987 dans Blockbuster sur France Inter. Il y a beaucoup de personnes qui ne pensent qu'à être des rockstars. Ou du moins une rockstar dans un groupe. Et avec les fans des Guns N' Roses, il y a beaucoup de « Axel ». Mais c'est un groupe, et je ne saurais pas faire ce que je fais autrement. Je n'aurais pas cette reconnaissance si je n'avais pas ce groupe derrière moi qui joue cette musique, qui me fait courir partout. On dépend tous beaucoup des uns des autres. C'est vraiment un truc de groupe. C'est un extrait de November Rain, issu de l'album Use Your Illusions 1, sorti en 1991. Alors, pour les plus jeunes auditeurs, là, vous avez vraiment le cas typique d'un slow. Alors, j'explique, le slow, c'était cette époque où les adultes, les seniors, se rapprochaient physiquement, allaient même jusqu'au contact, pour danser comme deux personnes collées dans le RER, mais sans que personne les force. C'était une lointaine époque où on pouvait se toucher, etc. Et ça durait longtemps, parce que November Rain, ça dure 8 minutes. Oui. Et c'est très bien les longs slows. Oui, alors, sauf quand on pécho pas, quoi. Ça, ah oui, là, c'est long. Oui, je comprends. Moi, souvent, les gens trouvaient ça très long. Frédéric, tu me colles un peu trop. Émilie, ça y est, justement, est-ce qu'on pourrait décrire le style de Guns N' Roses? C'est-à-dire, quelles sont leurs influences, leurs inspirations? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a parlé notamment de Appetite for Destruction, du début des Guns, Welcome to the Jungle, etc. En France, à part une petite tribu d'irréductibles fans de rock, les Guns, on les découvre. Ceux qui sont autour de la table en train de chanter. Par exemple. On est un peu plus nombreux quand même. Mais on les découvre un peu plus tard, on les découvre justement autour des albums Use Your Illusion, on les découvre avec la reprise de Bob Dylan, oui. Knockin' on Heaven's Door, oui. on les découvre aussi quand ils font la BO de Terminator, voilà, donc on est presque déjà sur la fin en fait. Et donc on les découvre avec des chansons et des ballades aussi, comme Don't Cry ou November Rain qu'on est en train d'écouter, avec des clips très spectaculaires et tout. Donc à ce moment-là, quand on découvre les Guns, on se dit c'est un groupe de rock, pas forcément hyper dangereux, c'est ce que Dedo disait tout à l'heure, il les décrivait dangereux, mais au moment où ils sont... Ah, tu veux dire pour Use Your Illusions ? Ouais. Oui, ça devient déjà un groupe... Déjà, on les appelle le plus grand groupe du monde à l'époque. Donc c'est vrai que ça devient un peu... Ouais, ça devient un peu mainstream après. Ouais, Don't Cry, ça passe à la radio. C'est le moment où là, il y a eu un... Non, mais c'est vrai qu'on... Après, c'est un truc de puriste, mais c'est vrai que la plupart des gros fans des Guns, je pense, ont une affection particulière pour Appetite parce que plus d'énergie, plus de violence et plus de revendications. Ouais. On sent après le groupe à stade ensuite, en fait. C'est ça. Et alors, c'est hyper réjouissant, un groupe à stade. Là, tu vois, le solo qui est en train de passer, là. Slash. Oui, quel génie. Oui. Ça me fait des émotions. Et voilà, donc c'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire, il y a à la fois, oui, des paroles parfois même choquantes, des paroles qui sont censurées, des paroles même qui ont valu des problèmes, parfois à Axl Rose, parce qu'il y avait des injures qui étaient déjà pas acceptables à l'époque. Des slows, des grosses balades qui marchent très bien. Mais c'est d'ailleurs ça qui est paradoxal. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable d'une sauvagerie et vraiment de propos au-delà de la limite, et en même temps qui est capable de chanter des balades. Vraiment presque romantique. C'est la dualité d'Axl Rose en fait. C'est déjà dans sa personnalité. Il a certains problèmes psychologiques qui viennent de son enfance et qui se traduisent forcément sur scène et même dans sa composition par des variations de ce type. Donc quelque part, c'est aussi ce qui donne sa force au groupe. C'est ce côté à la fois violent et à la fois fédérateur. À la fois pistolet et à la fois rose. Exactement, tout est dit dans le titre. Oh là là, mais en fait, c'était tout écrit dessus. Après, qui est le pistolet et qui est la rose de Slash et d'Axel? Ça, c'est un long débat. Christian Lamet. Je voulais juste préciser quand même une chose, c'est que Appetite for Destruction sort en 87, il a du succès en 88, l'album, le double album, enfin le faux double album, les deux albums Usher et le Jeune sortent en 91. Et en fait, la plupart des morceaux d'Usher et le Jeune ont déjà été écrits à l'époque où ils étaient en train de faire des démos, dans les années 85, 86, 87. Donc en fait, en 91, quand sort l'album du succès, les deux albums du succès, c'est en fait des vieilles compositions. Moi, je pense que le groupe, en fait, est en train de se faire rattraper parce que Axl Rose, il ne rêve que d'une chose, c'est de faire un duo avec Elton John, quoi. C'est ce qu'il fait d'ailleurs au bout d'un moment. Donc peut-être qu'en fait en 91 on a un instantané de ce qu'est vraiment Axl Rose, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà perdu ce côté très punk de la rue, qui a été effectivement habitué au stade. Puis c'est quand même une diva, c'est l'une des rares divas de cette époque-là. Il fait presque honte aux Stones quand même en tournée, hein. Il provoque des émeutes, il arrive en retard tout le temps. Enfin c'est un personnage comme on en a. Je dirais pas un par décennie, mais... C'est rarissime. Mais ce qui lui donne le droit à ces écarts-là, c'est que justement, c'est vrai que le groupe est très réputé pour avoir des heures de retard quasiment, qui rendent fous les fans. Le problème, entre guillemets, c'est que quand ils arrivent sur scène, ils mettent tout le monde d'accord, c'est une perf incroyable. C'est ça. Et ce qui fait que ça entretient un petit peu ce côté rockstar et diva. Donc ça aide pas à ce que le personnage se dégonfle un petit peu, malheureusement. Oui, et puis au bout d'un moment, c'est aussi aux fans de prendre en compte... les 3 heures de retard. Et dire, oui, c'est ça, tu t'organises. Voilà, prévu à 18 heures, mais j'arriverai à 21 heures. Tu prends un puzzle. Voilà, il faut aussi mettre du sien. Mais tu loupes ton RER. Ouais, ça, c'est le problème. Ivan Martin, c'est aussi l'époque, quand ce succès survient, où il se sépare du batteur. C'est en 91, Steven Adler, le premier batteur du groupe officiel, on va dire, qui était le meilleur ami de Slash. Et alors, ça, c'est pas passé. Hein. Bah, officiellement, ce qui est drôle, c'est qu'il est viré parce qu'il prenait trop de drogue. Donc, c'est vrai que c'est drôle quand tu le. Enfin, ça, c'est officiellement. Oui. Officieusement, c'est parce que, on va dire qu'Axel était très. C'est qu'il prenait celle d'Axel. Non. Oh, personne ne touche aux affaires d'Axel. Non, c'est qu'officieusement, on va dire que Slash et Steven étaient très très proches et qu'Axel était du genre très jaloux. C'est-à-dire que Slash, c'était son ami, c'était son guitariste. Et ça, on va dire que dans les biographies de Duff ou même de Slash lui-même, disait qu'ils avaient une cohésion tous les deux qui était vraiment très forte. Et on pense que Axel, c'est un peu bon, non, Steven, toi tu t'en vas parce que tu commences un peu à me saouler. Et par contre, il demande à Slash, par contre, c'est à toi de trouver un autre batteur. Et donc Slash, bah, il cherche désespérément jusqu'à trouver Matt Sorum qui deviendra le deuxième batteur du groupe. Et voilà, c'est tout, à peu près. Donc en fait, c'est pas vraiment là qu'a commencé le schisme entre Slash et... Ah non, il faut aller jusqu'en 96, là on est en 91, d'accord. Mais c'est en 96. Alors, il y a Izzy Stradlin, qui est donc le meilleur ami d'Axel, qui lui, en 91, n'en peut plus pendant la tournée des Usher Illusion. Il dit, lui, j'en ai marre, Axel, t'es toujours en retard, t'es insupportable, j'ai plus l'impression de retrouver mon ami d'enfance. Tu deviens vraiment une vraie diva, une vraie rockstar. T'as des envies qui sont absolument exubérantes. Et il décide de partir. Donc là, c'est un peu branle-bas de combat. Il les plante en tournée. Oui. Et il faut savoir que c'est une énorme tournée, la tournée Usher Illusion. 3 ans. C'est 3 ans de stade. Ça va jusqu'au Japon. Ils jouent partout dans le monde. Mm. Et d'ailleurs, c'est marrant qu'on parle du départ du guitariste, puisqu'en fait, dans le clip de la chanson qu'on entend là, qui est Don't Cry, Where is Izzy? Il y a un petit panneau marqué Where is Izzy? Où est Izzy? Puisqu'en fait, il n'est pas là au tournage du clip, parce qu'il n'est pas là, il est barré. Le mec est parti. Il n'en pouvait plus, c'était trop gros. Mais à l'époque où ils ont tourné, ils savaient déjà qu'ils étaient partis ou ils posaient vraiment la question de manière. Mais personne ne savait jamais. Il est où quelqu'un? Peut-être que si jamais on fait un clip et qu'on dit. Par contre, c'est intéressant de parler de ça parce que. C'est vrai que pour la plupart des fans, les Guns, c'est Slash et Axel. Mais le départ d'Izzy Stradlin, pour moi, caractérise un vrai tournant dans le sens où on ne sait pas à quel point il a participé aux compositions du premier album et des chansons en général. Et qu'une fois qu'il est parti, eh ben, je pense qu'on sent justement ce manque-là et que derrière, ce qui arrive ensuite est forcément de moindre qualité. Donc il faut remettre un petit peu à César ce qui appartient à Izzy. Et l'église au milieu du village. Exactement. Désolé, c'est pas du tout l'expression. Hein. Alors là, je connais mon histoire, je peux te dire que c'est ça. Super bon. Dedo, pour réagir à ce que tu dis, c'est qu'en fait, dans la biographie de Slash, il dit que, à part le riff de Sweet Child, mais que Slash aurait oublié si Izzy avait pas enregistré, parce que Slash était complètement défoncé quand il l'a écrit. Fatigué. Oh là là, pouh. Il y avait le riff de Welcome et de Paradise City, mais la plupart des autres compositions, que ce soit Rocket Queen, So Easy, Night Train, c'est Izzy. D'ailleurs, même pour faire pour avancer dans le futur, l'album éponyme de Slash, la chanson Ghost que tout le monde aime. Il était fatigué même au niveau des titres. Hein. Ouais. C'est vraiment une grosse feignasse. Je vais sortir un album, ça a porté mon nom, mais la première chanson Ghost, où il y a le chanteur de The Cult qui chante, le riff, tout le monde a dit ouais, ça c'est du pur riff de Slash. Non, c'était Izzy qui l'avait écrit à l'époque, où ils étaient en train d'écrire pour Velvet Revolver. Donc on voit vraiment l'influence d'Izzy qui est vraiment très très forte, beaucoup plus que Slash Duff. Mais après, c'est une fusion de ces 5 membres de toute façon. Alors justement, en parlant de fusion, en introduction, j'ai parlé des Guns N' Roses et de la fusion avec les blockbusters, avec Terminator 2. Et oui. On écoute évidemment You Could Be Mine. Ça, c'était de la musique. Et j'ai perdu 8 dixièmes à chaque oreille. C'était You Could Be Mine de Guns N' Roses. France Inter. Blockbuster. Frédéric Sigrist. Tiré de l'album Use Your Illusions 2. Alors, évidemment, chers auditeurs, vous ne l'avez pas vu, pas entendu pendant cette chanson, mais il y avait plein d'anecdotes qui fusaient dans tous les sens, et notamment une, et qui expliquait que Slash, cet homme magnifique... Quel bel homme. Mais oui, d'ailleurs, je ne sais pas comment vous avez pu voir son visage, parce qu'il y a quand même une masse de cheveux... Mais parce que je l'ai interviewé, monsieur Sigrist, Ah oui, moi, c'était mon objectif d'étude. Oui. Voilà. Parce qu'il avait dit... j'ai lu en préparant cette émission, il faut le dire. Disons-le. Voilà. Disons-le. Envoyer donc un petit texte où elle répondait qu'elle avait lu que Slash ne parlait, ne s'adressait qu'aux journalistes ou à des actrices pornographiques. C'est ça. Donc vous avez fait journaliste. J'ai fait mon choix. La vie a choisi pour moi aussi, hein, pour plein de raisons. Et donc je me suis dit, ok, je vais devenir journaliste et je vais interviewer Slash. Et en fait, je suis devenue journaliste, et quasi. Et surtout, j'ai interviewé Slash pour de vrai. Et donc, ouais, je l'ai bien vu. Il était sans lunettes et tout. Et il est magnifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mystique de Guns N' Roses et le succès de Guns N' Roses, alors je ne sais pas si les messieurs autour de la table vont comprendre ça, mais vous allez me dire. Ça va être sexiste comme réflexion. Ouais. Non, pas forcément. Je le sens venir. Ce sera genré, on va dire. Ah là là. Et pas très fluide. Mais c'est que, en fait, c'est un groupe qu'on adore écouter, mais à qui on a très envie de faire l'amour. Guns N' Roses, période. Moi, je suis d'accord avec vous. Voilà. 90, 91, 92. Moi, je suis née en 80. Donc voilà, j'avais 12 ans, faut que vous imaginiez pleine d'hormones, quoi. 12 ans. Et je vois à la télé des images de Guns N' Roses. J'essaie d'éviter les gens de 12 ans avec des hormones. C'est bien. Le juge, il m'a dit qu'il fallait que j'arrête. Axl Rose, qui était sur scène en sous-vêtements, portait un petit caleçon, un petit t-shirt, voilà. Mais c'est pas un vrai cycliste. En vrai, c'est vrai, c'est une culotte, quoi. C'est une culotte cycliste. Une culotte, ouais. Avec une chemise, mais bon, voilà, il avait une culotte. Moi, j'avais. Quelquefois, il en avait pas, il avait un kilt. Hein. Et Slash, lui, était torse nu. Et il tripotait sa guitare d'une manière extrêmement sensuelle. Et moi, c'est mes premiers émois de voir ça. Ça m'a marqué à vie. Moi, comment voulez-vous que je reste calme en entendant ça et en voyant ça? Et je pense que ça les grands groupes de rock. 78 euros, s'il vous plaît. Je vous en prie. Mais les grands groupes de rock, il y a ça. C'est-à-dire que bien sûr, on aime les écouter, on connaît les paroles par cœur, on chante et tout. Mais il y a un truc charnel, en fait. On a envie de les attraper. Après, c'est aussi un truc qui est totalement. Qui se traduit du rock en général. Parce que si tu prends Motorhead. Vraiment, Lemmy n'était pas le gars le plus sexy du monde. Oui. Et pourtant, il avait un succès incroyable auprès de la gente féminine. Exact. Donc je pense qu'il y a un truc déjà dans le rock qui dégage un truc de sensualité, mais de sexualité. Pas que dans le rock, moi, Patrick Hernandez, Born to be Alive, je suis pas bien. Hein. Ça fera 75 euros. Axl Rose a une personnalité qui ne laisse pas indifférent et ça se sent. Les Guns, il y en a, ils n'aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Je vous avoue que je comprends pas du tout. Il y a beaucoup de bruit, il y a du toc, il y a des dérapages du leader Axl Rose concernant les niggers et les fagots, donc les PD, et les noirs. C'est toute cette et imagerie hard FM où les femmes sont traitées comme des portions de hamburger, et ces coiffures vraiment à hurler de rire, ces tenues très très drôles. Bon, c'était Sex and Drugs et Gros Bouffon. Axl s'impose vite en leader et il impose vite aux autres les paroles racistes de One in a Million qui sont aussi homophobes. Plus tard, les chansons Back of Beach et Locomotive seront jugées misogynes. Ouais, ça va, ouais. Axel se justifie. Il parle juste du comportement de certains noirs, de certains gays et de certaines femmes. Je me suis aperçu qu'en 93, il y avait un petit punk de rien du tout qui les avait définitivement ridiculisés. Donc, il les avait relégués vraiment aux poubelles de l'histoire. Il avait déclaré « Les Guns N' Roses sont dénués de talent, ils sont pathétiques et totalement ennuyeux ». C'était Kurt Cobain. Donc, le problème était réglé, c'était fini. Et non, revoilà les Guns N' Roses avec ce disque, Chinese Democracy. Les chansons vont plaire à la masse, je pense, car assez aseptisées. Moi, ce que je peux dire, c'est que la production, effectivement, là, on retrouve un petit peu le sac de dollars parce qu'elle est plutôt riche et parfois un peu lourde, d'ailleurs. Le seul truc qui me fascine dans cette musique qui a très, très mal vieilli, c'est la voix d'Axel Roses. À côté de lui, Robert Plant chante comme Leonard Cohen. On dirait une sorte de sanglier castré, une otarie violée par un buffle. Un mauvais moment à penser. Christian Lamet, que peut-on dire sur la voix d'Axel Rose qui a été joliment comparée à une otarie Mon Dieu. Voilà. Là, j'avais l'image en tête. Mais, et malheureusement, on a tous l'image. Alors, ça fera encore 78 euros. Oui, oui. Très difficile de faire l'unanimité. C'est vrai que c'est une voix qui peut agacer, qui peut irriter. Je connais des musiciens qui n'aiment pas Guns N' Roses à cause de ça. Hein. Après, ça fait partie de Dave Mustaine alors. Oui, mais alors c'est, voilà, oui, mais dans l'échelle du pire quelquefois. Non, mais ou la voix de Bob Dylan. Après, les voix très différentes, elles sont, très voilà, atypiques. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'elle est atypique. Donc on aime, on n'aime pas. Bon, vu le nombre d'albums vendus de Guns N' Roses dans le monde, on pourrait dire que grosso modo les gens sont pas maso à ce point-là. Donc non. Je pense que c'est... Alors, ça peut être rédhibitoire, mais on s'habitue, on peut s'habituer. non, mais ça paraît un peu méchant comme ça, mais Axel Rose, c'est un... Guns N' Roses, c'est un tout. C'est un ensemble de choses, c'est un ensemble de personnalités, de musiciens qui devaient se rencontrer à cet instant T. C'est tout ça, donc... limiter Axel Rose, limiter Guns N' Roses à la voix d'Axel et de dire bon voilà j'aime pas pour ça, non je sais pas, c'est moins consensuel, c'est vrai qu'un Steven Tyler, on prenait l'exemple tout à l'heure de Aerosmith, c'est moins, qui est une des influences revendiquées, hein. une parmi d'autres, oui mais c'est un groupe qui a été majeur pour ouais. Mais bon, Axel Rose a quand même remplacé Brian Johnson d'AC/DC un petit peu plus tard dans l'histoire. Et les gens, beaucoup n'ont pas aimé du tout le fait qu'Axel Rose remplace Brian Johnson, mais les amateurs diront Axel Rose était capable de chanter ce que Bon Scott pouvait chanter, ouais, et non pas ce que Brian Johnson ne pouvait plus chanter depuis bien longtemps. Donc, et bim! Bim! Voix puissante. Non, très clivante. Bon, très bon chanteur. Surtout très puissante, puisque alors. Yvan Martin, parce que je vous sens sur des charbons. Ah ouais, ah là, quand on parle d'Axel, là, c'est. Attention, on touche pas à mon chouchou. Mais non, c'est il a. Alors, sur certains sites, ils se mettent pas vraiment d'accord, mais il était capable d'avoir une différence de 6 voire 7 octaves. À titre de comparaison, Mariah Carey en a un de moins. Et pourtant, elle est connue pour être... Ah non, mais... Loser. Ouais. Hey, Maria. Alors, le record, c'est 10 voire 11 octaves, mais Axel Rose fait partie justement c'est de ces chanteurs... Pas neurone, hein. Comment c'est neurone ou octave? Non, octave, ah, octave. Attention. Mais on est sur... Alors, aujourd'hui, malheureusement, mais moi, je suis obligé de le reconnaître, ouais, il l'a un peu perdu, mais parce qu'il a beaucoup crié. Il n'a pas utilisé, on va dire, le coffre. Il a plutôt utilisé ses cordes vocales. Mais sur There Was a Time ou This I Love qu'on entend sur le meilleur album de l'histoire du groupe, c'est-à-dire le dernier. Ouais, ça, je regarde les deux. Chinese Democracy. Chinese Democracy. Ah, non, mais ce qu'on peut expliquer, c'est qu'en fait, cet album Chinese Democracy, il arrivait bien après la petite période où ils étaient ultra populaire, 15 ans. Voilà, Appetite et Use Your Illusion et les grosses balades et Don't Cry et les clips et tout, et l'album arrive et puis je sais pas, moi ça m'a fait, je sais pas, je l'ai attendu tellement longtemps ce disque que quand je l'ai écouté, j'étais, je sais pas, ouais, déçu, et à la fois je savais pas ce que j'attendais. Il est étrange ce disque, vous mais trouvez pas? Finalement c'est une suite logique parce que Appetite c'était du pur rock avec des guitares, des basses, une batterie, un chanteur. Ben, oui. Ensuite t'as Axel qui arrive, non mais il a dit maintenant sur les Use, bon il y a eu Lies hein, entre temps, mais les on Use met des il a pianos. Dit, on va mettre des pianos, on va mettre des dauphins, on va mettre des clavecins, des dauphins par rapport aux clips. Dans les clips, oui, il y a très peu de dauphins, sinon dans le... Sur cet instrument, j'ai rarement vu un concert. Non, par contre, sur Estrange, Axel a bien dit à Slash, j'aimerais que tu me fasses des bruits de dauphins avec ta guitare. Et on entend dans Estrange, à un moment donné, un riff, pas un riff, mais on va dire une mélodie, où Slash, il a essayé de sentir... Voilà, exactement ça. Ah, c'est le dauphin. C'était une sorte de dauphin. D'accord. Et sur Chinese, en fait, Axel, c'est une continuité. Il s'est dit, on est passé du hard rock à un rock plutôt mélodique, à un espèce de mélange métal alternatif rock. Finalement, c'est une suite logique, c'est une évolution parfaite de ce que Axel a toujours voulu proposer, quoi, finalement. I always really believed that I was very aware of J'ai toujours été très conscient de ma situation concernant mes diverses addictions. Je me sentais d'une part très en contrôle, pas jusqu'au point où je pouvais juste arrêter comme ça quand je le voulais, mais j'en ai toujours été conscient pendant toute la période où je me droguais. Et j'ai commencé à me lasser de certains aspects. Comme être dépendant à une substance, et ne pas être capable de se lever, de faire des choses et d'interagir avec les gens, d'être incapable de me sentir bien dans toutes les situations, de devoir être chargé pour ça, d'avoir tout le temps besoin d'une béquille. Je trouvais que ça faisait de moi une personne plus faible. C'est que je suis si engagé et dévoué à ma guitare et à ma musique. Je pensais que si les drogues commençaient à les éclipser, j'aurais la présence d'esprit d'arrêter. Seems that I had seen it in her eyes. Though it might not be wise, I'd still have to try. With all the love I have inside, I can't deny. I just can't let it die, 'cause her heart's just like mine, and she holds a pain inside. So if you ask me why, she wouldn't say goodbye. Yvan Martin, alors effectivement, vous avez l'air d'être un peu le seul à défendre This I Love, issu de Chinese Democracy en 2008. Oui, nous, on a envie de mourir. Oui, non, bah, parce que là, on sent quand même qu'Axel Rose, à mon avis, il y a eu séparation et il n'a pas eu la garde des enfants quand même. Là. Pas du tout, et je pense que c'était bien pour lui. Enfin, en tout cas, moi, je fais partie de ceux qui étaient très contents qu'à partir de 1999, c'est là qu'il s'est dit, d'après ses interviews, je vais chercher les meilleurs musiciens de l'histoire du monde. Il voulait Satriani. Donc Satriani lui a dit, je suis bien content que tu me proposes, mais ça m'intéresse pas. C'est un gros guitar héros, ouais, Satriani. C'est... Ouais, comme Steve Vai, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et en gros, bah, c'est pour non, ça je que... j'ai bien, enfin, Satriani, c'est un mec qui est né avec sa guitare. Bien sûr. Et il a eu Buckethead. Alors pour ceux qui savent pas, Buckethead, c'est un... Il est très spécial, Buckethead. Attention, faut pas citer de marque. Hein. Non, pas du tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a un saut sur la tête, aux têtes de saut. Il a le masque du tueur de Halloween, Michael Myers, mais faut aimer d'écouter de la guitare, hein, que de la guitare, mais ce gars-là est peut-être l'un des meilleurs shredders, on pourrait dire, ou l'un des meilleurs musiciens shredder. De guitare. Shredder, d'être capable de taper, pour moi, c'est l'ennemi des Tortues Ninja, donc c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Très loin, hein. Le shred, c'est qu'en gros, tu appuies très vite sur les cordes pour reproduire un son, pour faire un solo très. Ça fera l'objet d'une autre émission. C'est des choses de technicien, en fait, c'est la grosse différence. C'est quand Axel Rose, il est allé chercher les meilleurs. Les Avengers, quoi, on va dire. Voilà, chacun dans leur catégorie. Émilie, ça, c'est bien. Ah, voilà. c'est bien. Ça y est, t'as compris. Mais le truc, c'est que ça manque un peu d'âme. C'est-à-dire que Buckethead, qui effectivement, pardon, hein, je trouve, est un excellent technicien, mais jamais ça vaut un solo de Slash. Même si Slash, il fait deux pains dans son solo, c'est plein d'amour et de sueur. Et, oui, bah, oui, vous comprenez. Oui, c'est marrant parce qu'à un moment, une rumeur disait que Buckethead était Slash, ce qui a été démenti avec le temps. Il y a eu Steve Vai, il y a eu même Satriani. Plein de gens, voilà. Puis le côté charnel que recherchait Emily chez Buckethead, là. Oui, non, mais. Je trouve que voilà, quand on va chercher comme ça des techniciens, qu'on dit je vais faire un assemblage des très très bons, bah, forcément l'âme elle est pas là. Les mecs ont pas vécu ensemble dans un appart pourri pendant 5 ans. Donc, ouais, mais l'âme c'est l'âme d'Axel en fait, puisqu'il était seul et tout seul, ouais. Voilà. Après, l'album est quand même rentré dans l'histoire parce qu'il a coûté 15 millions de dollars, il s'est vendu à 500 000 copies. C'est l'album qui a le moins rapporté de l'histoire de la musique. Ouais, donc malheureusement, c'est quand même aussi un record battu. Ah bah bien sûr, mais ça reste un Guinness. Hein. Oui. Ouais, mais après, avec un peu de chance, tu sais, 50 ans après la mort d'Axel, comme pour beaucoup de génies, on verra que finalement on est tous passés à côté. Bah, je suis content, je serais déjà mort. Mais en gros, oui, il y a eu Buckethead, il y a eu Rontal, pour ceux qui savent pas, donc c'est là qu'a remplacé Buckethead, il s'appelle Bumblefoot. C'est pareil, une sorte de guitare héros. Bon, lui, il chante par contre, et il est absolument incroyable. Puis il est sympa. Et puis il est très sympa, ça c'est vrai. Ah, on en est là, on dit les gens sont sympas. Du coup, ils ont du talent. Mais des fois, il sort les poubelles. Des fois, il apporte du lait. Quand il a un peu trop dans le gâteau, hop, vous en voulez ? Mais c'est, non, en gros, pour les personnes qui connaissent pas trop cet album, c'est vrai que t'as envie de dire, je peux comprendre, c'est ceux qui ont attendu du hard rock, on va dire, purement Guns. Ouais. Ou entre guillemets, un truc de qu'est-ce que Axel va nous proposer. Mais en même temps, quand on sait que par exemple Moby, bon, aujourd'hui il est un peu disparu, mais au début des années 2000. Il a sorti un album au mois de juin. C'est vrai. Mais bien sûr. Oh mon Dieu. Enfin, mes enfants, suivez un peu. Ah mince alors. Oui. Donc, album symphonique chez Deutsche Grammophon. Bisous. Mais c'est pas une reprise, il n'y a pas des reprises de ses chansons justement avec d'autres chanteurs Alors oui, il y a une reprise de Bowie, il y a des choses comme ça. Mais voilà, Moby a sorti un album. En tout cas, alors Moby à l'époque. Vous intéressez un peu à Moby quand même. Ah oui, oui, oui, c'est avant de venir, il m'a dit oui, vous étiez ensemble chez le coiffeur. Oui, oh, ouais, c'est vrai. Alors ok, on attaque sur les chauves, super. Ah ben, je nous croyais au-dessus de ça. Oui, j'ai rien dit moi. Merci. Maintenant, pourquoi tu parles de ça, Dedo? Enfin, et donc Moby avait dit en interview à plein de gens, mais attendez, Axel, il vous prépare quelque chose d'absolument incroyable. Alors il n'y avait pas les réseaux sociaux, fallait un peu aller sur les magazines comme Hard Force, Rock Hard, tout ça, Rolling Stone magazine. Et puis il y avait des tournées, puisqu'il a commencé en 2001 sa tournée de Chinese Democracy World Tour. Pour un album qui est sorti en 2008, je reconnais que c'est un peu bizarre. Mais on va dire, les fans pouvaient entendre les chansons. Alors, les titres ont changé. Mais je sais qu'il y en a beaucoup. Enfin, moi, des amis qui ont découvert cet album, alors qu'ils ont connu les Guns en 90, 92, tout ça, ils ont dit, j'aime pas, mais je suis pas surpris d'entendre des sonorités un peu métal alternatif. Il y a eu Robin Fink, le guitariste de Nine Inch Nails, dans le groupe, entre autres. Axel avait un peu balancé des trucs pas très sympas en mode avec Robin Fink, j'ai enfin le guitariste que je voulais depuis que je suis tout petit. Il est très fan de Nine Inch Nails, il a eu un amour total pour Reznor et ses compos, ce que je peux comprendre, c'est mon groupe préféré. Tu vois, donc voilà. Laisse une chance à Axel. Moi, je propose qu'on reste sur ce point de médiation. Oui. Dedo a fait un pas vers vous, Yvan Martin. Super, c'est formidable. Vraiment, je pense qu'on avance. On se retrouve demain à la même heure pour la suite de cette thérapie de groupe. C'est la fin de cette émission consacrée à Guns N' Roses. Merci, Émilie Mozeyer, Yvan Martin, Christian Lamet, Dedo. Merci. Merci à vous. Vous pouvez nous laisser un message, une anecdote, un souvenir au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter, parlez directement avec moi avec le hashtag Blockbuster EFI. Je crois que profondément en chacun de tous, il y a quelque chose de bien enfoui, qui sait exactement ce que vous êtes censé faire dans la vie. Et peu importe ce qu'on peut vous dire, si vous continuez de chercher, de creuser, vous allez le trouver. Et vous pourrez être la personne que vous êtes censé être sur cette foutue planète. Et ne laissez jamais personne, jamais personne, jamais vous mettre des bâtons dans les roues. Moi compris. Vous connaissez le principe, après une musicale, on crée un petit sas de décompression fait de bienveillance et de sonorité éco-responsable. Une bulle France Inter. On écoute Gatien, ce que les Français veulent. Ce que les Français veulent. je me sens apaisé. C'était Gatien avec Ce que les Français veulent. Demain dans Blockbuster, on va parler MMO. C'est comme du MMA, sauf que tu combats dans ta chambre et tes adversaires sont trop loin pour te taper. Un jeu qui réalise le rêve d'Éric Zemmour. Tu peux choisir ta race. Un jeu vidéo où tu dois attendre que les serveurs soient libres avant de te taper avec des créatures antipathiques. Comme sur une terrasse de café à Paris. Un jeu qui, bien avant le télétravail, a inventé le téléchômage. Demain, on parle The World of Warcraft. France Inter.